Adieu, je pars, c'est mon devoir que ce soir pour ton mari ne m'accusez pas sans savoir ne supplorez quand je vous prie. Il est quelqu'un qui vous attend une petite fille aimera tendrement. C'est bon, croyez-moi, la famille. Auprès d'elle, vous m'oublierez, je vous l'assure, tout de suite. Et quand ce soir, vous l'avez,